We'll be right back. Quoi, 24 demi avant.

1, 2, 3. Allons, bon signal de sortie, oui ou non? Perdu son chat, et le père en brique a répondu: foutu le chat, foutu. Everybody say yeah, on in there. 2000 euros, non. Thank you. Pas ta langue, tu vois. Et en français, c'est quoi? Traduis-le, toi. We'll be right back. wah, people's tune. Hey. Love to today. And Tem mix. Tem mix de cor. Mix de som, de mix de tateta. Thank you.